RQC. Il est 20h. Allô, c'est RQC. From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Eh ben bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir le slasher. Bonsoir. Bonsoir Sylval. Bonsoir Monsieur Scream. Et voilà, donc d'ici quelques minutes, on va vous présenter notre invité, un invité de marque. Hein, grand invité. Oui, oui, grand invité, grand monsieur, on va la prod des choses. Sinon le week-end, ça s'est bien passé. Bah écoute, oui, je t'ai vu hier. Oui, c'était les portes ouvertes ici à RQC. Hein. On s'approche doucement des 40 ans de la radio, donc voilà. Et aux alentours de 20h30, notre boss Rico nous rejoindra car il a plein de questions à poser à notre invité. On va pas le présenter de suite, on va d'abord s'écouter une page musicale, vous êtes d'accord? Tout à fait. Oui. Voilà. Et je suppose en entendant un petit peu ce qu'on a raconté hors antenne, à mon avis, tu as envie de poser des questions, je crois. Certainement, je pense. On va s'écouter le nouvel album de, un extrait du nouvel album de Crazy Licks. L'album s'appelle Rough Justice et on va s'écouter Wild Child. We'll be right back. Voilà, donc c'est nouveau, c'est tout frais, c'est Crazy Licks avec Wild Child, ça envoie bien. Oui, ça cartonne bien. Ça cartonne bien. Alors voilà, il est l'heure de vous présenter notre invité. Pour certains, vous ne connaissez peut-être pas, mais à mon avis, c'est qu'ils ont habité sur Mars, hein, ça c'est sûr et certain. Voilà, on accueille ici dans notre studio, dans Rive d'Enfer, Jacques de Pierrepont, alias Pompon. Bonsoir Jacques. Salut Eric, salut tout le monde. Bonsoir, en forme? Oui. La route n'a pas été trop dure? Bah non, ça va, je commence à connaître Moucron maintenant. Tu connais, hein. Bah oui, vu que tu es passé dans Proximity il y a plus ou moins un mois et demi, hein. Mm-hmm. Voilà, donc oui. Proximity, des amis qui font l'émission le samedi ici. Alors nous, on t'accueille ici pour plusieurs choses. D'abord pour nous faire un peu partager un peu ton vécu, parce que je sais que t'aimes pas qu'on dise ça, mais pour des animateurs de rock, de hard rock ou quoi, tu es une légende. Tu es une légende. On est en Belgique, alors légende que. Et aussi pour ton bébé qui est arrivé, qui s'appelle du Black Sabbath au Hellfest, ton bouquin, on peut dire une bande dessinée en même temps, hein, c'est une bande dessinée que je trouve vraiment superbe, bien aboutie. Pourquoi avoir choisi de faire une bande dessinée sur le Black Sabbath au Hellfest? Ça rentre dans le cadre d'une collection qui s'appelle La Petite Bédéthèque des Savoirs, dont les premiers bouquins sont sortis il y a un an, une première volée de quatre. Et dans cette première salve, il y avait le heavy metal. Il y avait aussi l'univers de Hubert Reeves, le fameux astrophysicien avec sa grande barbe blanche, décédé par Cazeneuve. Et donc le principe de la collection, c'est pas de la fiction, c'est de la BD d'initiation documentaire. Le directeur de la collection, David van der Meulen, qui est un type vraiment épatant avec une culture à la Léonard de Vinci, puisque la preuve c'est que c'est lui qui signe toutes les préfaces, quel que soit le sujet du bouquin. Donc ça va du minimalisme ou du situationnisme à l'histoire du féminisme, voilà. Il avait envie qu'on fasse un bouquin soit sur le heavy metal, soit sur le punk rock. Alors j'ai dit, le punk rock, on a déjà beaucoup écrit dessus, mais un petit ouvrage d'initiation, parce que c'est ça le principe de la collection, c'est un peu l'équivalent des que sais-je en bande dessinée. Oui. Le heavy metal, ça, il n'y avait pas encore, et c'est vrai que moi, j'avais un peu envie de casser un gros paquet de clichés qui tournent toujours autour du métal. Donc le premier objectif du bouquin, c'est pas de s'adresser à des fans de heavy metal, mais aux gens qui, eux, ont encore une vision caricaturale de la chose. C'est des gros beaufs violents, abrutis, analphabètes, et patates et patatas. Voilà, ou même, c'est pas de la musique. Bon, alors que oui, s'il y a quand même un domaine dans le rock où il y a des gens qui savent bien jouer, c'est le métal. Tout à fait. Bon, il y a toujours comme ça tous des clichés, et donc l'idée c'était un peu de casser ces clichés-là, quoi, voilà. Alors évidemment, le principe de la collection, c'est de rassembler un spécialiste, enfin dans mon cas j'aime pas le mot, enfin, ou un amateur éclairé, et un dessinateur. Donc ici Hervé Bourris. Oui. Qui était le choix de l'éditeur, parce qu'il a déjà fait le petit livre rock, le petit livre des Beatles, etc. Récemment, la Black Music avec le dessinateur Bruno. Et ce sont des rencontres qui se font un peu comme ça, au débeauté, puisque le scénariste ne connaît pas nécessairement le dessinateur. C'était mon cas, je n'avais jamais rencontré Hervé Bourris, voilà. Mm-hmm. Qui n'est pas d'ailleurs vraiment fan de métal à la base, et moi non plus. Enfin, fan, pas spécialiste. Je veux dire, quand je suis à la maison dans ma bagnole, je vais plutôt écouter du punk rock ou du rock garage ou du rock psychédélique. Mmh. Mais bon, j'ai quand même vu Black Sabbath en 1971. Je ris parce que c'est son idole aussi, à Ozzy. J'ai toujours adoré Alice Cooper à l'époque où on disait encore que c'était du glam rock ou du hard rock, des groupes comme Blue Oyster Cult, Hawkwind, voilà. Et donc, l'idée de la collection, c'est de rassembler deux personnes pour essayer de maîtriser un sujet, quoi, voilà. Maintenant, oui, enfin, quand je dis que je suis pas spécialiste, j'écoute pas du heavy metal à longueur de journée. J'en écoute beaucoup, mais je n'écoute pas que ça. Voilà. En fait, j'adore écouter des groupes qui sont dans les marges du heavy metal, donc des groupes comme ça va de Tool à Neurosis par exemple. Oui. plutôt ou alors ben oui des vieux classiques que j'adore comme Iron Maiden voilà. Mais justement moi ce qui m'étonne c'est que tu es quelqu'un de très humble. On va faire rentrer Rico qui attend, tu peux venir Rico, c'est notre c'est le boss voilà. Jacques Rico hein. Pour... des bisous. Voilà. Et c'est ça que j'adore chez toi parce que tu as de par ton ta connaissance, tu as rencontré énormément de monde, mais tu es quelqu'un de très humble, c'est génial. Et voilà, tu parlais des anecdotes. Rouge, là. Non, mais c'est la vérité. Tu parlais d'anecdotes et je trouve ça extraordinaire parce que nous, on en voit aussi des anecdotes. J'en ai connu quelques-unes aussi. Je peux pas dire que je suis un vieux de la vieille, mais c'est vrai que les groupes de maintenant, d'actuel, on ne connaîtra plus des anecdotes comme on a connu. Comme toi, tu nous as raconté une anecdote avec AC/DC. Là, tu m'en as appris une chose que je ne savais même pas. Je ne savais même pas ce qui s'était passé avec AC/DC. Waouh, je suis resté comme ça. Je peux raconter ? Oui, vas-y, vas-y, raconte. En plus, ça va faire plaisir parce que Agnès, son copain, son mari, Yannick, il est fan d'AC/DC, il a un fan club d'AC/DC. Donc, AC/DC, en 83, sort une chanson « Bedlam in Belgium ». Sur je ne sais plus quel album, mais enfin donc on est en 83, oui, 84 par là, oui. Et Bedlam in Belgium, la traduction libre, foutoir en Belgique. Et donc c'est un peu surprenant qu'un groupe australien sorte une chanson qui a un titre pareil. Et renseignement pris, cette chanson est basée sur un fait réel, à savoir que c'est le souvenir d'un concert qui a solidement dégénéré un soir d'octobre 1977 en Flandre, à Kontik, au sud d'Anvers, dans une petite salle. Bon, à l'époque, AC/DC n'est pas encore très connu. Il joue devant 300-400 personnes. Et c'est la grande époque Bon Scott, musicalement parlant, c'est peut-être la meilleure période. Mais bon, ça, on peut discuter à l'infini. Toujours est-il que donc, le concert va être brutalement interrompu par une solide escouade de Pandore, voilà, gendarmes qui s'amènent avec leurs combis, leurs matraques et tout et tout. En fait, ce qui s'est passé apparemment, c'est que un hardeux un peu bourré était sorti de la salle, avait traversé la rue et avait été faire pipi dans les bégonias d'une vieille dame qui habitait juste en face. En Flandre, souvent, il y a des petits jardinets devant les maisons. Et donc, la madame en question avait téléphoné à la police. Voilà. Et eux, s'étaient ramenés, mais vraiment avec les grands moyens. Et donc, ils ont ordonné l'arrêt du concert. Des flics ont traversé la salle, ça devenait houleux. Il y a un gendarme qui est monté sur scène, qui s'est fait vider manu militari par les costauds rodis australiens de CDC. Un autre gendarme, un peu plus malin que les autres, lui, avait repéré dans les coulisses le compteur électrique, a coupé le courant, donc il fait tout noir. T'as un autre gendarme qui commence à paniquer, qui sort son flingue, enfin bon... plus de concerts, et voilà. Ouais. c'est le terminus de l'affaire, d'où cette chanson « Bedlam in Belgium ». C'est bien de pouvoir coller, hein, je sais pas si t'es David avec moi, Val, Rico, au moins des anecdotes sur certains titres, certaines chansons que nous, on connaissait peut-être pas, quoi, voilà. Eh bien, bonsoir à toutes et à bonsoir tous. Bonsoir d'abord, oui. Mais ouais, non, bah, clairement, ça met de la vie dans tous ces groupes qu'on connaît, qu'on suit, et dont on devine parfois que... Les afters, mais là apparemment c'est même pendant les concerts, mais les afters sont parfois riches, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà, on va d'abord s'écouter une page musicale, puis on reviendra sur ton ouvrage qui est là, je le montre ici à la caméra, on vous le rapprochera. Je vais le passer à Rico pour qu'il jette un œil aussi, donc de Black Sabbath au Hellfest. Franchement, les dessins sont super, je tiens à le dire, c'est marrant parce que là même il y a encore des anecdotes. Hervé Bourris, si tu nous entends, bon maintenant, comme lui il est du côté de Bordeaux, ça me semble un peu compliqué. Mais ça bon. Dépend, RQC.be. RQC.be ou via Facebook. On va lui transmettre. Voilà, et c'est bien parce que là aussi c'est rempli d'anecdotes, et il y a peut-être des anecdotes que tu as vécues aussi avec ces groupes qui sont là dans le bouquin. Bah, c'est plus des anecdotes d'émissions et des anecdotes post-émissions, donc à la grande époque de Rock à Gogo sur Radio 21. Une époque où, comme tu dis très bien, les temps ont changé, à savoir que dans les années 80 et 90, des groupes même connus faisaient le déplacement, arrivaient avec l'attaché de presse de la firme de disques jusque dans le studio. Tout à fait. Et s'ils se plaisaient bien, au lieu de rester 10 minutes, ils restaient une heure. Voilà. Des gens comme Alice Cooper, Iron Maiden, Ronnie James Dio, pour lequel j'ai vraiment toujours eu une tendresse particulière parce que, comme on dit à Bruxelles, c'est un tough pay. Voilà. Vraiment un très chouette gars. Les gens de Manowar aussi, qui ne sont pas du tout les brutes que l'on pourrait croire. Que nenni, ce sont les Shakespeariens, ils ont une culture en béton armé. Alice Cooper aussi d'ailleurs, et Bruce Dickinson aussi. Ouais, voilà. Qui est vraiment un être multiple, être à la fois quand même bretteur, hein, c'est un spécialiste de l'épée comme sport, et pilote de Boeing, mais aussi fervent et érudit, amateur de littérature. Mm-hmm. Voilà, donc on a souvent des surprises. Ouais, et comme on disait encore, parce qu'on a des bonnes surprises. On a parlé justement, ces périodes-là, elles sont carrément, c'est fini. On parlait de l'époque du grass pop d'un jour où tu arrivais le jour avant, t'allais faire un foot avec Maiden, quoi. J'ai connu ça, tu as connu ça, on a connu ça. Maintenant, laisse tomber, tu vois Maiden de loin, il faut pas t'approcher, quoi. Voilà, on va s'écouter une page musicale, on se retrouve après. On va s'écouter Master Castle avec Space of Variation et on se retrouve après. Yeah. Voilà, donc c'est Master Castle. Alors en studio aujourd'hui, on est nombreux et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. On a Jacques de Pierrepont alias Pompon, on a Rico, Sylval et on a le slasher. On va d'abord faire la petite. Tous les âges, toutes les tendances. Voilà, tous les âges, toutes les tendances. Et la relève, c'est le futur. Jacques, c'est le futur. Il a quel âge, le slasher, qui a un super chouette t-shirt Iron Maiden? Là, je vais avoir 13 ans en juillet. Ça va. Ouais. Quelque chose me dit que c'est le futur patron de la boîte ici. ça pousse déjà dans le dos. il a des bonnes aventures aussi à raconter. Déjà, s'il arrive aussi bien, aussi longtemps que toi dans la carrière radiophonique, il aura une. Ah, il va en faire. Il va en faire. C'est sûr, parce que tout début, là, il va en faire. 9 ans, monter sur scène avec Steve Vai et chanter Yayo Gag. Il n'y en a pas beaucoup qui ont l'occasion de le faire, quoi. Et pour après, avec Gotthard, Diédi et tout le reste, quoi. Non, Diédi, ça, c'était Couscous. Couscous, oui, là. Manger un couscous avec Diédi, bon. Enfin. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Là, on va d'abord passer à sa slasher song, parce qu'on a un petit rituel où il passe un titre qu'il a choisi lui-même. Et des fois, c'est un peu des mouvements de découverte. Il nous fait découvrir des choses, ou alors il va chercher dans les archives de papa, ou de ce qu'il entend. S'il veut faire plaisir au patron, il passe à ministrie. Voilà. Mais ça va pas être un ministre, non, à mon avis. Alors, on va t'écouter, slasher. Bon, alors là, j'ai choisi de vous parler d'un groupe, Les Grands Copains, qu'on avait rencontré au concert de l'Ordi, au De Crun, et c'est Silver Dust, donc un groupe suisse. Qui est super sympa, qui se prend pas la tête, rien à dire, c'est on va dire du rock avec des soupçons parfois un peu prog dans leurs chansons, et donc dans les membres il y a Lord Campbell, au chant il y a la guitare, qui est vraiment super sympa, ils sont tous sympas, Tiny Pistols à la guitare et au chant, Kurgam à la basse et Monsieur Killjoy à la batterie. Et donc là on va s'écouter une chanson du premier album. Et c'est la chanson Why, pourquoi, et qui a vraiment des influences un peu à la Steve Vai, et nous l'avait confié après le concert de l'Ordi. Alors, on va s'écouter ton titre, tu l'annonces ? Why. Alors, c'est le slasher sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. Thank you. c'était Silver Dust avec le titre Why. Why, why. Why. Voilà. Donc, on se retrouve tous autour de la table. Quelques soupçons prog, il disait. Ben ouais, non, c'est vrai, il y a quelques soupçons peu prog là-dedans. Ouais, de prog, c'est vraiment des trucs un peu tordus comme on aime bien chez nous dans Rive d'Enfer. Voilà, on se retrouve autour de la table et en discutant comme ça. Il y a plein de questions qui sont au bord des lèvres. Et là, je vais un peu laisser la parole aussi à Sylvain et à Rico. Je ne vais pas prendre que la parole moi-même, parce que sinon, on en a jusqu'à 6 heures du matin. Ce n'est pas possible. Si... C'est pas possible avec moi. C'est pas possible. Voilà, donc je vais laisser à Sylvain éventuellement des questions à poser à Jacques, donc à Pompon, on va dire Pompon. Voilà. Bon, j'en profitais pour poser quelques questions sur mes groupes favoris, hein, comme on discutait, Alice Cooper, Black Keys, Aquald, ainsi de suite, quoi, Motley Crue notamment. Et j'aurais bien aimé savoir, comme ça, une petite anecdote que vous pouvez nous raconter. Il y a le pire et le meilleur, quoi. La moins bien des anecdotes, c'était quoi ? C'était un peu houleux, on va dire, difficile, ou que vous avez été déçu d'un groupe que vous appréciez, ou... Mais des déceptions, il y en a eu, mais pas dans le domaine métal. Voilà. D'accord. Plutôt dans le domaine pop anglaise, voilà. Les roast beef arrogants qui ont sorti un seul 45 tours parce qu'ils ont eu la couverture de Enemy, qui se prennent pour les rois du monde et qui sont vraiment imbuvables. Pas tous, hein, mais il y a quand même... Bon, c'est... Enfin, comme quoi, la bif fait pas le moine et l'air ne fait pas la chanson. C'est pas parce que... Bah, encore un cliché, c'est pas... En général, les métalleux sont hyper... gentils, quand ils sont disponibles, ils le sont totalement, pas seulement en radio, avec les fans aussi. Mm-hmm. Dans les grands festivals, il n'y a que les métalleux qui peuvent encore rencontrer les musiciens. Les musiciens sont d'accord de passer après le concert encore une ou deux heures à faire des dédicaces. Bon. Donc, j'ai pas de souvenir de mauvaise surprise avec. Que du contraire. Donc, Alice Cooper était venue en 93-94 par là. Pardon, je m'exprime en belge là pour les auditeurs. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ils sont habitués à écrire en belge. On est sur une radio belge. Hein, non, on est bien. Et il était resté carrément une heure. Voilà. Visiblement, il se plaisait bien. Mais bon, c'est encore une époque où ces gens-là acceptent de venir en direct. Enfin, eux, ils acceptent. C'est pas les musiciens qui ont changé, hein, c'est l'entourage. Mmh. Ils ont autour d'eux des armadas de gardes du corps, des flopés de juristes, d'attachés de presse qui font littéralement écran. Voilà. À l'époque, c'était quand même plus simple et tous ces gens étaient vraiment disponibles. Alice Cooper, c'est quelqu'un d'extrêmement courtois, humble, vraiment une humilité profonde, qui est bourré d'humour au second degré. Donc il est vraiment très, très, très drôle. En fait, c'est marrant parce que Alice Cooper est américain, mais il a vraiment un humour british à 150%. Quelqu'un, on sent, il a une culture, pas que musicale, c'est quand même pas par hasard si c'est un certain Frank Zappa qui a découvert Alice Cooper à l'époque du groupe Alice Cooper. Il y a, bon, allez, autre vraiment... Grande surprise, c'était le Bruce Dickinson, qui est quand même venu 3-4 fois en direct au micro, avec ou sans Maiden. Surtout à l'époque où il avait sorti son premier album solo en 92. Oui. Après ça, on avait été boire un pot dans un bistrot assez rock'n'roll. Sur Bruxelles, qui était tenue par une amie qui était fan de métal, donc elle, évidemment, qui tenait le bar, ben, chaque fois, évidemment, elle disait, c'est quand vos prochains invités, bon, vous viendrez après avec eux, bon. Et souvent c'était le cas, et cette fille qui s'appelle Jackie avait un chien génial, que j'adorais. Et bah, Bruce Dickinson, et ce chien, en fait, était très civilisé, donc il voulait jouer, donc il apportait, quand il aimait bien un client, il apportait la baballe, voilà, et donc il fallait lui lancer la balle à travers le bar. Et il est arrivé chez Dickinson, donc pendant une demi-heure, Dickinson a joué à la baballe avec le chien. Voilà. C'est vrai que... Ça ne s'invente pas, quoi. Bon. Mais c'est vrai ce que tu dis, j'ai eu l'occasion de voir sur la tournée avec Bruce Dickinson, qui a même ouvert, t'imagines, il joue avec Maiden, il arrête Maiden pour se lancer dans la carrière solo, et il fait la première, il ouvre pour Halloween à Diesel. Donc tu t'imagines, c'est Bruce Dickinson qui retombe et qui ouvre à Diesel pour Halloween. Et après le concert, qu'est-ce que tu vois près du tourbeau, c'est avec sa bibine. Allez, venez les amis, et on a discuté. Comme tu dis, un mec adorable. Mais souvent, dans le milieu metal, les musiciens arrivés au sommet, bah, ils décident de faire autre chose et ils acceptent de repartir à la base. C'est pas un souci. Bon, maintenant, il y a des gens clairement inaccessibles, hein, qui le sont devenus. Les récits d'ici, avant 80, j'imagine qu'ils devaient être assez accessibles aux fans et aux radios. Après 80, ça devient, à partir du moment où on joue dans des stades, ça devient plus compliqué, quoi. Mmh. Voilà. Tout à fait. Mais bon. Ouais. Rico. Ouais, ben je suis occupé de parcourir un petit peu la BD que j'ai toujours pas chez moi, donc je découvre un peu. Il y a un découpage par genre dans le métal. Les métal, c'est une grande famille évidemment, mais beaucoup de chapelles quand même, non? Comment tu t'y es mis pour finalement mettre un petit peu un encart pour chacun? Je vois qu'on parle de Doom, je vois qu'on parle, il y a un peu d'Indus. Évidemment, il y a les grands classiques qui sont repris au début du bouquin, c'est tout à fait normal. Le glam qui a quand même une importance, même esthétiquement finalement, au-delà de la musique, esthétiquement. Comment tu t'y es pris pour classer un peu les genres quand tu as commencé à rédiger? Alors là, oui, c'est un gros boulot. Ça a duré des nuits. Oui. D'autant plus qu'il y a aussi plein de gens assez inclassables ou qu'on peut rattacher à deux, trois sous-genres différents. On en comptabilise plus de 60. Il y a vraiment comme ça des maniaques de l'étiquetage. Oui, mais attention, le folk metal et le pagan metal, c'est pas exactement la même chose parce que. Et puis le celtic metal, c'est encore un peu différent du folk metal. Bon. Donc effectivement, à ce niveau-là, les sous-genres s'accumulent. Hein. Il y a le death metal mélodique, il y a le death metal pas mélodique. Enfin bon. Mais donc oui, c'est. Mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est que. À partir de la fin des années 70, quand le hard rock devient. Heavy metal, et là aussi ça donne lieu à des discussions, oui mais en Europe on a continué à utiliser le mot hard rock alors que le mot heavy metal s'est implanté plutôt aux États-Unis, notamment à travers Blue Oyster Cult. Donc qu'est-ce qui est hard rock? Au début ça veut dire la même chose d'ailleurs, hard rock et heavy metal, il n'y a pas de différence musicale. Puis à un certain moment on se rend compte que ben, oui il y a des différenciations musicales, et donc ce qui vient du début des années 70 ça va s'appeler hard rock, et là où il y a plus de disto et de gros bouquins, ça va à partir de la new wave of British heavy metal, on va parler de heavy metal, voilà. Et alors maintenant, on parle de heavy metal classique, de heavy metal progressif, de. Enfin bon. Ouais, mais c'est ça. Ouais. On n'en finit jamais. On n'en finit jamais. Mais donc, c'était de montrer qu'à partir de la fin des années 70, il y a. Et puis, on arrive à l'étiquette metal qui rassemble tout. C'est comme un arbre. Donc, il y a les racines. Et les racines, c'est le. Bon, c'est le rock'n'roll de la fin des années 60, des groupes comme. Iron Butterfly, Vanilla Fudge, Cream, etc., etc., ouais. Blue Cheer. Bon, puis il y a l'arbre principal, le tronc, le premier tronc, on va dire, c'est le hard rock des années 70. Et puis après, il y a des paquets de branches, et chaque branche donne des sous-branches, et voilà, et ça part comme ça. Et c'est vrai qu'au début des années 80, ça va à une vitesse ahurissante. Là, le speed metal, on parle de speed metal pendant 2 ans maximum. Après, donc on parle de power metal, puis on parle de speed metal, et puis tout de suite on parle de thrash metal, qui est une radicalisation du speed metal, qui est lui-même une radicalisation du heavy metal classique. Et comme ça, les rameaux se multiplient, avec aussi évidemment les conflits esthétiques un peu. Souvent un peu absurdes, comme au théâtre, les classiques et les romantiques qui se tapaient dessus à coups de canne dans les théâtres à Paris au 19e siècle. Hein, bon. Tu dois t'arrêter sur les genres, parce que c'est vrai que ça, c'est bien fait. Hein. En tout cas, et c'est vrai que le dessin, il compte beaucoup. Hervé Bourris, on redit son nom parce que c'est important et ça apporte vraiment une touche. Parce que j'ai l'impression qu'on peut rentrer dans le bouquin sans forcément y connaître grand-chose en métal et puis finalement retrouver... On va pas se perdre quoi en te lisant. Ça, c'est quand même pas mal. C'est vrai que Bourris a un talent pédagogique dans la mise en scène graphique, notamment l'utilisation des couleurs. Ouais. C'est surtout noir, blanc, rouge. Voilà. Mmh. Ça correspond bien finalement pour le métal. C'est vraiment. Il a joué avec cette gamme-là tout au long du bouquin. Le fait que il n'y avait pas vraiment de chapitre. Bah, lui, il a commencé à faire du titrage au-dessus de chaque page. Voilà, par exemple, les années 80, triomphe du heavy metal, y a une page avec Trust, une page avec les premières filles du hard, une page avec le speed metal, une page avec le power metal, mais il y a toujours le surtitre, les années 80, triomphe du heavy metal, donc il ferait un très bon prof. Voilà. Moi, je trouve qu'au niveau graphique, évidemment, certains disent que c'est pas vraiment de la bande dessinée au sens classique, puisqu'il n'y a pas des cases. C'est un roman graphique. Et des bulles. Enfin, un roman, un essai graphique. Mais bon, à partir du moment où on considère que dans la narration, la figuration, le dessin occupe une place essentielle, quelque part on est dans de la BD, voilà, même s'il n'y a pas de bande. Il y a d'autres bouquins de la même collection qui adoptent un registre plus classique, avec des bandes, des cases et des bulles. Ça n'a jamais été le cas d'Hervé Bourris. Bah oui, il fait aussi notamment sa série Le Tekel, voilà. Mais quand il parle de musique, il est plus illustrateur en fait que BDaste au sens strict du terme. Juste avant de passer une page musicale, on peut se donner une petite réflexion quand même. Est-ce qu'il y pour toi ou comme pour nous ici autour de la table, pourquoi est-ce que maintenant on peut dire que il y a des groupes qui ont dur de décrocher, mais qui devraient décrocher. Tu comprends ce que je veux dire ? On va c'est parler... une drogue dure, là. Voilà, par exemple, ce que je veux dire par là, c'est... Je prends un exemple, on va même le rock'n'roll en général. Je crois que les Stones, tu vois, les Stones, et AC/DC avec tout ce qu'ils ont connu, même si j'apprécie très fort leur musique, est-ce que tu crois pas peut-être qu'il est peut-être temps de partir sur eux ? Je veux dire, des bons moments que tout le monde peut décroche, souvenir. Ils décrochent, ils font comme Scorpion, une tournée finale qui dure 15 ans. Mais Scorpion retourne à Megadeth, donc. Voilà, peut-être que des fois, c'est peut-être dur pour eux, ou c'est peut-être l'appât du gain. Voilà, moi je me pose vraiment la question. L'appât du gain, je ne suis pas certain que ça vienne des musiciens eux-mêmes, mais plutôt de l'entourage, donc tout le business. Qui est évidemment du gros business autour. Je pense aussi qu'en tant qu'individu, il y a une peur. C'est difficile de décrocher. Je pense que chez certains, il y a une part de soi qui disent bon, allez, ok, il est temps de prendre sa retraite à temps pour que les gens gardent un bon souvenir de moi et pas d'un vieux con qui a pas su s'arrêter à temps et qui a commencé à s'écrouler ou à devenir vraiment lamentable. Et puis, il y a, je pense, dans chaque personne, une autre facette de ce besoin de reconnaissance, d'être toujours sur le pont, ou à la Lémie, dont le rêve était de mourir sur scène, même si c'est un peu raté. Il y est presque arrivé. Presque, hein. Voilà. De mourir sur scène au sens propre. Ouais. Dire je pense que... Et en dehors même du métal, je veux dire, tous des vieux bluesmen comme John Lee Hooker et compagnie. C'est le rêve ultime, c'est d'être sur scène et puis quick, le cœur lâche et on part vraiment en beauté. Quoi. Ouais. C'est difficile maintenant quand on voit qu'il y a des groupes qui ont quasiment 50 ans de carrière. Ça risque parfois de devenir pathétique, voilà. Mais pour moi, Kiss, par exemple, Bon allez mec quoi, quand t'as 60 ans, tu vas pas encore te trimballer avec ta guitare en haut d'un filin sur 50 mètres à faire le clown. tout ça est un peu dérisoire. Les Stones, le dernier album, ce que j'aime bien, ils auraient dû le faire déjà il y a 10 ans, c'est un pur album de reprise de blues. Et à la limite, ils peuvent le jouer assis. Voilà. Ben ça, on peut finir comme ça, de façon digne. Mm-hmm. Mais effectivement, à un certain moment, Angus Young, il ne pourra plus courir sur scène sur une seule jambe comme un canard en imitant, entre parenthèses, Monsieur Chuck Berry. Ouais. Physiquement parlant, il ne pourra plus le faire. Alors mm-hmm. quoi je pense qu'on peut encore jouer. Pourquoi ne pas jouer assis dans d'autres formulations Mais le vrai problème, c'est que ça bouche l'avenir du métal en général. À savoir que les anciens qui sont toujours là, jusqu'à plus soif, de Black Sabbath au Scorpions, Deep Purple qui revient, avec un album, etc. Ouais. Quelque part, ils occupent toujours le haut des affiches. Et donc, c'est avec ça d'ailleurs que je termine le bouquin Heavy Metal, c'est de dire, bon, ben voilà, oui, est-ce que les dieux sont immortels, mais les dieux de la musique, eux ne le sont pas. Mais tant qu'ils sont vivants, ils occupent le terrain. Au détriment des jeunes pousses, donc des groupes comme Mastodon, Gojira, des groupes d'aujourd'hui, Airborne et compagnie, sont condamnés à rester au milieu des affiches. Des festivals, ils ne peuvent pas monter plus haut. Et donc, on ne prépare pas assez la relève. Mais ça, ce n'est pas de la responsabilité des musiciens en tant qu'individus, c'est peut-être aussi la responsabilité des festivals, qui est d'oser prendre des risques et de mettre des groupes plus récents, enfin récents en toute proportion gardée, qui ont peut-être déjà 15 ou 20 ans de carrière, mais pas 40 ou 50, mm-hmm. de les mettre de façon volontariste en haut des affiches. Voilà, quitte à prendre un risque, évidemment, parce que, les gros vendeurs sont souvent les plus anciens. Mais tu vois, je verrais mal, par exemple, qu'on propose Aerosmith au Hellfest, qui viennent d'ailleurs au Hellfest, pour la tournée d'adieu. On verra bien si c'est une tournée d'adieu. Qui va durer 15 ans, ouais. De toute façon, comment dire non, déjà. Oui, mais je veux dire, qu'on dirait par exemple à Monsieur Tyler, écoute, à la place de jouer à 23h05, tu vas jouer à 20h, et à 23h05, ça va être Airborne qui va jouer. Est-ce qu'ils vont, eux, être d'accord? Je crois pas. Ah oui, évidemment qu'il y a aussi des questions d'ego, bien sûr. Parce que déjà, il y a deux ans, je me rappelle, avec Aerosmith, le Slasher n'était pas là. Ils ont foutu la pagaille totale pour nous, en tant que médias, passe-photo. On pouvait même plus passer sous la scène, ni rien. Déjà, le matin même, pour aller shooter, parce que, on va dire, scène gardée. Voilà. Donc tu vois, c'est vraiment... la grosse artillerie qui arrive et les autres, on en a rien à foutre quoi. Et pourtant, t'avais des groupes sur la même main stage. T'avais Extreme qui est extraordinaire. T'en avais plein d'autres et voilà, ils sont passés à côté parce que les gens étaient dégoûtés qu'on avait monté une avant-scène pour Monsieur Tyler et toutes des choses comme ça quoi, tu vois. Imagine s'ils avaient dû faire ça avec U2. le futur, je pense pas. Qui aura encore des méga stars, je pense que Metallica sont les derniers, comme on en a eu. On va avoir, les gens sont quand même pas cons, dans les nouvelles générations de musiciens, y aura beaucoup de gens qui font une belle carrière, mais sans trop faire d'ombre aux collègues. Voilà. Il y aura peut-être un peu plus de place pour beaucoup de gens. Donc il n'y aura personne qui va truster le haut du panier non-stop. Il y aura peut-être plus de place, peut-être moins haut. Hein, de toute façon, on n'est plus à une époque où on vend des millions d'albums. Non, c'est pas voilà. Pareil. Mais donc, qu'il y aura une meilleure place. Mais plus basse que les grands classiques, mais pour plus de gens qui en valent la peine. Voilà. Et je pense d'ailleurs que les bons festivals justement assurent cette diversité avec 3-4 scènes. Il y a moyen justement d'assurer cette diversité de style, mais aussi de génération. Voilà. De faire que ce ne soient pas toujours les mêmes qui soit au-dessus, quoi. On va s'écouter, moi je vous invite à vous s'écouter une formation italienne. Tu avais passé un extrait de l'album, il est enfin arrivé l'album. L'album il s'appelle Architecture of the God. Et là ils ont repris, attention, c'est un groupe italien, formation power metal, Labyrinthe, hein, et ils ont repris Children, une fameuse chanson de Robert Smith, si vous vous souvenez. Justement on parlait un peu de genres différents, là je ne sais vraiment pas en quoi le classer, parce que Robert Smith c'est de la trance, c'est de la techno, et là ils ont repris cette version là, et c'est assez marrant quand même. On va s'écouter cette version, et puis on se retrouve après, parce qu'on a plein de choses à poser. Je crois que Valérie en a, Sylvain en a encore, Rico, le slasher n'a pas encore posé sa question, il attend, hein. La question du slasher, question attention du slasher. Ah ouais. Voilà, c'est ce qui fait la force aussi dans Rive d'Enfer. C'est vraiment l'émission, généralement, je sais pas si t'as remarqué, c'est beaucoup de nouveautés, très peu de vieilleries. tu laisses la place aux animateurs pour les vieux matchs. Voilà, c'est ça. Non, à part. Non, mais c'est vrai, on reçoit tellement de nouveautés. Donc là, juste, c'était The Ferryman avec End of the Road. Alors, le slasher, je sais qu'il a des questions à poser. Oui. Et on va lui laisser te poser des questions, hein, parce que lui aussi, il est, l'air de rien, il est mordu quand même pour son âge. Allez, vas-y, slasher. Donc, j'ai une question, Pompon. Donc, quel est ton genre de métal préféré que tu écoutes le plus et que tu pourrais t'en manger tous les jours Le Doom. Ouais. Le Doom. Voilà. Enfin, le Doom, donc les héritiers. Enfin, des groupes comme Pentagram, Saint Vitus, tout ce que fait le guitariste Scott. Kelly. Winnow Enrich. Ah ouais. Saint Vitus, The Obsessed, Spirit Caravan. Mais aussi des groupes comme, justement, voilà, Neurosis. Toute la galaxie Neurosis, Tribes of Neuroth, Isis, j'adore. Peut-être parce que ces gens font le pont avec le style de musique qui m'a, moi, le plus marqué quand j'étais gamin, à savoir le rock psychédélique. Mm-hmm. Pour moi, il y a un lien évident entre les ambiances psychédéliques et le doom. Bon, maintenant, à partir du moment où le doom s'enferme dans ses propres clichés, à savoir qu'il est quasiment interdit d'avoir une guitare qui sonne comme une guitare parce que les sons aigus sont interdits. tu vois ce que je veux dire. Ok, ben là, c'est ça le problème des sous-genres, en fait, c'est que ça vire au système. Et bon, ce sont les meilleurs qui vont s'échapper du système et continuer à avoir une voix très personnelle. Enfin, Kai Us, j'adore. Bon. Mais aussi des groupes comme Tool, qui sont apparentés à on ne sait pas trop quoi. En fait, j'aime bien les groupes un peu inclassables, tu vois, qui sortent de l'ordinaire. Les ovnis, on va dire. Oui, les ovnis. Mais alors, on prend Black Sabbath. De 70 à ne prenons en compte que la période de The Osborne, donc 70-77, 70-77, ils ont abordé, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que pour 80% des musiciens de métal, les vrais godfathers du métal, c'est Black Sabbath. Pourquoi ? Mais parce qu'entre 70 et 77, ils ont réussi à inventer plein de choses différentes quasiment à chaque album, quoi. Voilà. Donc à l'époque, Black Sabbath faisait du Black Sabbath, point. et de façon comme Tool fait du Tool, finalement. Oui, mais en évolution rapide aussi. Ouais. Le quatrième album de Black Sabbath n'a rien à voir avec le premier, quasiment. Mais on sent bien la logique, on sent le fil conducteur. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu une influence énorme et qu'en fait Black Sabbath inventait plusieurs styles à lui tout seul quelque part. Mais c'est vrai, ils ont influencé énormément de monde. C'est vrai. Hein. On peut faire du power metal et se dire inspiré par une certaine facette de Black Sabbath. On peut faire du doom parce qu'on sera inspiré par une autre facette de Black Sabbath. Enfin, etc. quoi. Bah, Paranoïde ou à Iron Man, par exemple, rien que pour prendre ces deux titres-là qui sont aux antipodes. Carrément à l'opposé. Hein. À l'opposé, pourtant, on sent bien la patte, on sent le groupe, voilà. Paranoïde, moi, l'énergie, voilà quoi. Paranoïde, je classerais ça plutôt rock heavy, tandis que Iron Man, c'est quelque chose de lourd. C'est le riff, quoi. Plus doom, quoi. Ouais, Paranoïde, on est vraiment dans le riff pour le riff, mais ultra efficace, évidemment. C'est I Wanna Be Your Dog des Stooges, c'est de la même veine, pour moi, c'est le riff. Tous les musiciens en herbe ont commencé avec ces deux trucs-là. On a fait. Je rejoins ton truc, quoi. Et donc, le genre favori, oui, tout ce qui tourne autour de la planète Doom psyché, j'ai envie de dire. Donc je rappelle aussi, on a Pompon Studio qui vient nous présenter aussi son ouvrage qui est magnifique. Ouais, et moi j'ai des questions sur l'ouvrage. De Black Sabbath au Hellfest, c'est le titre du bouquin. Voilà, donc je laisse continuer. Là. C'est bien, pour une fois, je parle pas beaucoup. Ouais, donc le heavy metal, je parlais sur les différentes étiquettes et les différents genres abordés. Et puis le format étant ce qu'il est, on peut pas faire non plus une encyclopédie. J'ai envie de dire que le bouquin en appelle un deuxième. Voilà. Et je te laisse répondre. Trois petits points. Bah, idéalement, si on avait eu 16 pages de plus, moi j'aurais été content. Bah, voilà. J'imagine. Mais c'est vrai que parfois c'était un casse-tête. J'ai quand même dû raccourcir plusieurs fois le texte initial qui aurait fait le double de page. Parce que bon, il fallait quand même laisser de la place au dessinateur. Enfin, il fallait. Non, enfin, c'était indispensable. Ça colle. Hein, en l'occurrence, hein, c'est pas. Ça reste quand même une BD ou un récit illustré pour contenter les puristes qui disent que c'est pas vraiment de la BD. Mais oui, il faut faire des choix. Donc il y a plein d'anecdotes qui ne sortent pas. Mais par exemple, sur Bedlam in Belgium, l'anecdote a été effacée du bouquin parce que je devenais trop verbeux, mais a resservi sur un petit flyer promotionnel. Il y a un flyer pour chaque bouquin de la collection. D'un côté, on a la couverture et de l'autre côté une anecdote bonus, donc une anecdote qui se trouve pas dans le bouquin. Ah oui, pour terminer sur cette anecdote de Bedlam in Belgium, foutoir en Belgique, à Quantique en 77, en fait quand les Pandores ont essayé de monter sur scène et se sont fait éjecter par les Rodies, il y a le chanteur Bon Scott qui a annoncé dans son micro que des branleurs souhaitaient stopper le concert. On imagine. Ah bon. En plus, c'est notre Bon Scott, quoi. C'est rock'n'roll, quoi. Mais à l'époque, eux, ils se vivent pas. C'est ça aussi que j'essaie de montrer dans le bouquin, c'est que dans ces années-là, ils ne se vivent pas comme des métalleux, puisqu'on n'a même pas encore inventé l'expression. Eux, ils font du rock'n'roll. Ils ont exactement le même point de vue que les Mi de Motorhead. Moi, je fais du rock'n'roll. Du vrai rock'n'roll, pas du rock'n'roll poppy. Voilà. Enfin, comme quoi les étiquettes. Bon. Mais pour moi, AC/DC, ça reste du rock'n'roll avec des fois des touches bluesy. Pour moi, je peux pas classer ça en hard rock. Ça c'est mon point de vue. Et voilà, on est reparti pour les étiquettes. Hein. Oui, jusqu'en 78, 79, à partir de Highway to Hell, on sent bien qu'il y a un peu. Côté hard rock. Et puis après, surtout, Back in Black, mais là, les guitares se durcissent, grosse disto. On sent qu'ils sont influencés par le heavy metal naissant quand même, quoi, ou qu'ils s'adaptent pour pas être ringardisés. Il y a quand même des changements de son. Et puis la voix de Brian Johnson, effectivement, est plus heavy metal que celle de Bon Scott, qui est clairement hard rock au sens années 70. Donc mais... du rock'n'roll un peu couillu, quoi, voilà. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, on voit bien quand même, parce que bon, j'ai un fameux bouquin que des concurrents, enfin pas des concurrents, des gens ont créé sur AC/DC, un bouquin de 6 kilos. La Bible. La Bible, je l'ai, on nous l'a envoyé encore dans Rue d'Enfer, hein, c'est bien. Et, tu vois que ça passe par la poste, mauvaise langue. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai lu, parce que malheureusement, Angus en interview... Je serais heureux, mais bon, j'ai tombé. D'ailleurs, j'ai eu un passe-photo, mais on m'a refusé l'entrée. Mais bon, c'est autre chose. AC/DC, Angus, en interview, on lui pose la question, quel est ton dernier album que tu es en train d'écouter? Et Angus a répondu tout simplement, j'écoute du Chuck Berry. Et on voit ses influences, le blues et tout ça, c'est vraiment superbe. Ce que le mec il raconte, quoi. Il est dans sa bulle bluesy, Chuck Berry, et on voit bien que là, d'un côté, lui, il est là pour mettre sa patte riff solo. Mais quand on sait que c'est maintenant, on ne sait pas ce qu'il est devenu, Malcolm qui écrivait la plupart des compos chez AC/DC. Hein, faut le savoir. Hein. C'est Malcolm qui est composé un maximum chez AC/DC. Hein. On se balade un peu dans le bouquin et donc on arrive à la fin des années 80. Voilà, je prends au pif, hein, comme ça c'est du direct, en plus c'est filmé. Donc, et on arrive évidemment sur un groupe extrêmement important de la deuxième moitié des années 80, Guns N' Roses, qui au point de départ, c'est pas fait pour aboutir cette histoire et pourtant ça va devenir... un des groupes les plus importants de la deuxième moitié des années 80 jusqu'à Nirvana, on va dire ça comme ça. Bien que Use Your Illusion sort en même temps que Nevermind. Comment t'expliques un peu l'implantation, enfin, Ouais, c'est ça, ils se sont vraiment implantés dans la scène. Et encore maintenant, il y a encore des références, il y a encore des retours vers Guns N' Roses, même si ceux qui font maintenant, ça n'a plus d'intérêt. Mais, Ben, c'est 87-88, c'est un peu surprenant, parce que j'ai quand même l'impression qu'ils n'ont rien à voir avec le courant dominant de l'époque. Ouais. Que ce soit notamment le thrash metal, quoi. Et ils n'ont rien à voir non plus avec le hair metal, qui est le versant décadent. Poison, etc. du glam metal, ouais. Où, ben voilà, les grandes chevelures blondes, peroxydées et compagnie. Mais ça dit, Guns N' Roses se rattache plus à une tradition hard rock 70s, justement, esthétiquement parlant. Mais y compris dans les looks. Mais ils ont un ancêtre dont j'ai pas eu la place, enfin, il n'y a pas eu assez de place pour en parler, mais Hanoi Rocks, ouais. le groupe scandinave, ouais. Tout le look de Guns N' Roses vient de Hanoi Rocks, qui est en place au début des années 80, où là on dit, ben voilà, c'est du heavy rock. Voilà, c'est un peu ça l'expression. Et je pense que les gens de Guns N' Roses étaient vraiment fans de Hanoi Rocks et que ça les a solidement inspirés. Mais évidemment, comme ils ne sont pas dans un des genres dits extrêmes, puisque quand on dit extrême metal maintenant, le thrash metal c'est du divertissement pour grand-mère en comparaison, mais à l'époque, quand Metallica, Megadeth, enfin les débuts, quand ça s'appelle encore du speed metal, débarque, on parle déjà de métal extrême à leur sujet par rapport à des groupes comme Iron Maiden ou Judas Priest, parce que le son, le ton, c'est beaucoup durci. On parle d'extrême métal. Et Guns N' Roses, eux, ils ne sont pas du tout extrême métal. Ils s'inscrivent dans une filiation qui vient des années 70, et c'est ça qui leur permet d'avoir un public beaucoup plus large que le public métal. Mmh. Ils ont le public. Le grand public rock'n'roll au sens très large. Quoi. Avec comme carte de visite Appetite for Destruction, qui est quand même un album 30 ans plus tard. Enfin voilà, moi j'ai l'impression, autant j'ai l'impression ce qui suit derrière ça a vieilli, autant cet album-là j'ai l'impression qu'il reste un petit peu. Alors je sais pas, c'est peut-être parce qu'on retrouve beaucoup des titres genre Welcome to the Jungle. Dans des films où Sunshine of Mine, etc., on les retrouve dans les films, et donc il y a une redite à chaque fois, mais j'ai l'impression que cet album particulièrement reste, un, ancré dans une époque, deux, esthétiquement très marqué, et voilà, ça conditionne des groupes même actuels, quoi. Mais cela dit, pour être un peu vachard, quand ils reprennent le Knockin' on Heaven's Door de Bob Dylan, ils auraient mieux fait de s'abstenir. Franchement. J'aime bien le folk aussi, alors j'ai pas envie qu'on massacre le folk. Et t'aimes bien Bob Dylan aussi. Voilà. Aussi. Non, mais à travers ce genre d'opérations très, très commerciales. Marketing, ouais. Il y a le côté lourdingue de Guns N' Roses qui est mis sur la table. Bon, et c'est dommage. Ouais, alors là, c'est typiquement le genre de groupe qui avait tout pour arrêter. Là, je vais me faire tuer par certains. Qui a même arrêté, de fait. Et pourtant, qui a tout fait pour revenir. Là, tu vois, dans la série Erreur stratégique, voilà une erreur stratégique. Ouais. En parlant de Hanoi Rocks, il faut savoir que nous, on a eu l'occasion de rencontrer Michael Monroe, chanteur ex-chanteur d'Iron Rock, qui a toujours un peu son esprit glam quand tu le vois sur scène. Hein. Tu me disais, parce que toi, tu es fan de glam, et il a toujours cette tenue un peu affriolante et tout ça. Oui, j'aime bien au niveau glam. C'est vrai que j'aime bien. Et il a toujours ça, et il envoie toujours la purée, quoi, la patate, quoi. Voilà. Ça, c'est. On les a vus en première partie justement de The Poodle, si ça me semble. Non, c'était. Non, de. Attention les souvenirs, attention les souvenirs. De Suède. Encore un groupe de Suède qui met des grandes chaussettes. Je sais plus. Slasher. Enfin, Sur Beau Negro, ils mettent que des grandes chaussettes et que ça. Il y avait aussi les Red Hot aussi. Ouais, c'est ça. Il y avait aussi les Red Hot qui met. Hardcore Superstar. Hardcore Superstar. Il y avait les Red Hot qui jouaient avec leurs chaussettes sur le boom. Absolument, absolument. Au début c'est de leur carrière. Slasher, c'est l'encyclopédie vivante de l'émission. Voilà, c'est voilà. Ça. C'est lui le plus jeune, il y a la meilleure mémoire. Non, mais chapeau. Hein. Non, mais respect. Respect. Justement. Aussi, voilà, au confluent, où, en fait, où commence le métal, où est-ce qu'il s'arrête, c'est pas très clair. Par exemple, allez, petite anecdote, Hervé Bourris me dit, oui, mais dans ton texte, tu parles pas de Turbo Negro. Et moi, je lui réponds, mais Turbo Negro, c'est pas du métal, c'est du rock punk. Punk. Oui, mais Turbo Negro a une esthétique punk, mais devant un public métal. C'est-à-dire le gros des troupes, le gros des fans de Turbo Negro sont plus des métalleux que des punkoïdes. Même chose avec Motorhead. Hein, ouais, bien sûr. Voilà. Motorhead a plein d'accointances avec le mouvement punk, a commencé par The Damned. Ouais. Mais le public de Motorhead, c'est pas le groupe hein, qui choisit son public. Voilà, c'est le public qui décide. On va dire la même chose avec Marillion. Marillion, c'est du prog rock pur jus. Les méchants disent que c'est une pâle copie du Genesis époque Peter Gabriel. Mais le public de Marillion, à la grande époque, à la fin des années 80, début 90, ils ont trouvé leur public dans les festivals métal. Ouais. Et voilà, c'est pas le groupe qui choisit à ce moment-là, quoi. Et donc, du coup, on les relie forcément à l'histoire du métal. Mais ce que j'ai remarqué, parce que moi, j'adore aussi tout ce qui est prog, j'aime bien tout ce qui part un peu en couille, où tu sais même plus s'ils vont retomber sur leurs pattes. Bon, les Fortiges, pour le moment, à l'époque actuelle, c'est quand même les Dream Theater. Faut reconnaître ce qui est. Quand tu vois Petrucci qui commence à partir en solo ou quoi, bon, j'adore ça. J'adore le progressif, mais j'aime pas le public progressif. Pourquoi ? Parce que le public, ils sont là. Généralement, t'as la moitié, c'est des musicos qui sont comme ça, qui regardent le concert, bras croisés, qui attendent que le musicos il se plante. T'as ça. Ou alors t'as le mec qui est là, qui se dit : chouette, j'ai été voir Dream Theater, c'est le groupe du moment. Voilà, t'as vraiment l'opposé, quoi. Et ça, je l'ai remarqué en ayant l'occasion d'aller voir plusieurs fois Dream Theater sur scène. Ou quoi. Et moi, mon groupe préféré, et c'est là la question que je voulais te poser, en progressif, que penses-tu de l'arrêt d'une longue carrière de 40 ans de groupe Saga, qui pour moi est un groupe super de prog. Oui, prog pur, mais pas du tout métalleux. Oui, mais que penses-tu justement de cet arrêt comme ça, bouf, on sait bien qu'il bon, y a des tensions dans le groupe, mais c'est un groupe que quand il vient, ils font ça le comble. Une ambiance, on ne sent pas des tensions sur scène avec les membres. On a l'occasion de les rencontrer, on peut faire la fête. Moi, je les ai vus au passage 140 à Bruxelles ou un truc comme ça. Théâtre 140. Oui. On a fait la fête avec Steve Nagus, Michael Sadler et tout ça, jusqu'à 4-5 heures du mat. l'ambiance était folle, mais je ne comprends pas pourquoi s'arrêter à un bon moment. Hors concert, l'ambiance est folle. Mais même en concert, ouais. Le groupe chante, ils font chanter les gens, c'est extraordinaire, quoi. Et donc, un arrêt d'un groupe comme Saga ? J'ai pas de commentaire, parce que d'abord, j'étais pas au courant. Voilà. Ils font une tournée d'adieu, mais peut-être sans passer par ici. Voilà. Bon, maintenant, pour reprendre le fil de la conférence que j'ai donnée au Festival Progressiste, pas plus tard qu'hier, pourquoi je n'aime pas le rock prog, j'ai dit « Ah, Saga, arrêtez, pas trop tôt !» Enfin bon, mais ça, c'est bêtement et stupidement méchant. Mais j'avoue, ce genre de rock prog, justement, j'accroche pas, voilà, parce que c'est... Ou Dream Theater, je préfère Queenstrike. Voilà, mais voilà, en revenant à Queenstrike, je suis de m'interrompre, j'ai l'impression d'être allé le voir avec les Slasher à Danes, et ben là j'avais l'impression, on vient, on prend notre pognon et on se barre. Donc c'est-à-dire qu'on mettait, bon déjà il n'y a plus Govstead qui est là, même si j'ai rien contre la Torée, mais oui, on vient, on les met en place, et ils ne bougent pas, ils doivent rester sur un mètre carré, tu joues, merci, au revoir. Ouais, mais ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parti un peu de... Mais moi j'ai voilà, les dates s'enchaînent, il y a des contrats respectés, il faut être dans telle ville, dans telle date, et voilà. Mais oui, mais quand tu as vu la tournée Empire, que tu as vu la tournée Operation Mindcrime, que tu as vu la tournée Promised Land, il y a un monde de différence. La bonne époque. La bonne époque. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, un risque de dichotomie entre la musique, et puis on se dit, ah, si j'adore la musique, parfois il vaut mieux pas rencontrer les artistes, parce que c'est des chiens, vraiment, ou des pas sympas, ou bon. Mais oui, le prog metal, oui, des groupes comme Mastodon, par exemple, j'adore. Mais en fait, dès qu'un groupe veut faire sentir à son public que, attention, le virtuose est monté sur scène, et c'est pareil avec les Malmsteen et compagnie, alors là, je dis, bon, ben, va donner des cours en académie, il faut nous la paix, quoi. Voilà. Moi, là, c'est mon côté garage punk, je veux dire, c'est, enfin, j'adore quand c'est bien joué, mais quand ça devient démonstratif. Voilà, il y a quand on rentre dans des longs solos, etc., etc. Trop Eastville. Voilà, ça peut vite être lassant. Maintenant, je suis vraiment pas sectaire du tout. J'ai quasiment les 5 premiers albums de Dream Theater, je les adore. Voilà, mais ce seront pas mes disques de chevet. Mm-hmm. J'ai besoin de plus d'émotions brutes. Que la construction musicale ne soit pas que formelle, voilà. Mais c'est ce qui s'est passé avec, je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, du G3, à un moment donné, il y avait Vai, Satriani, Malmsteen, et à un moment donné, Vai a fait à Malmsteen, écoute, mon ami, arrête. On part, on a des morceaux à faire. Toi, ton morceau, bon, on te laisse un quart d'heure, t'en fais une demi-heure, quoi. Arrête, quoi, la démonstration. C'est typiquement ce qui me ferait ne plus aimer le rock, moi. Voilà. Ce genre d'attitude. On va s'écouter une page musicale. Ah. Allez, on va s'écouter. Là, c'est la musique, bon sang. Oui, là, une balade. Et là, après, il y a une question qui est venue sur le net. Oh. Si je peux encore dire un truc. Oui. Dans le genre groupe inclassable, les Québécois de Voivode. Voivode. Ah, oui. Ça, c'est aussi une carrière extraordinaire. 15 albums, il n'y a rien à jeter. Et chaque album est un peu, au moins un peu différent des précédents. Je trouve qu'il y a une richesse là-dedans assez, assez incroyable. Et ce que je dis de Voivode, on le dira peut-être dans 15 ou 20 ans de Gojira. Est-ce qu'il n'y avait pas justement Jason Newsted qui venait de Voivode, si mes souvenirs sont bons? Est-ce qu'il était dans... Je crois qu'il a commencé, il a joué dans Voivode, je crois, Jason Newsted. Je pense bien. Je crois, enfin on verra, je vais me renseigner. Il y a une question, donc on la posera après. On dit, dans le prog, il y a Vandenplace aussi, c'est ouais, Full Time Killer. Ouais. Et on va enchaîner avec le petit concours en même temps. Mais Vandergraff Generator, et là on est parti encore. Ouais. Donc, attention. Le petit concours, parce que vous pouvez remporter deux ouvrages donc, de Jacques de Pierrepont, donc Pompon, pour le titre de son livre, que je ne vais pas dire, parce que justement c'est la question. Donc vous pouvez nous répondre sur... J'allais le balancer. Sur la page Facebook, en message privé. Quel est le titre de l'ouvrage? Vous êtes les deux premiers, et vous remporterez cet ouvrage dédicacé, normalement. Et si vous n'arrivez pas sur Facebook, vous pouvez nous envoyer sur le mail qui est tout simplement riffdenfer.rqc@gmail.com. Voilà, c'est bien. Allez, on va s'écouter la balade crapuleuse un peu plus tard, mais c'est un super groupe, une nouveauté qui est classée comme de l'indus. Mais moi, je l'ai choisi en balade. Ah. C'est An Erotic End to Time avec No Right, et on suivra avec Sabbath Assembly, Twilight of God. Bah, je me rends compte que j'ai même pas cité Jésus. To their hearts we go. Voilà, donc c'est mon petit coup de cœur question balade. C'était tout simplement An Erotic End of the Time avec No Right. Attends, je monte le micro, voilà, quoi. Et non, mais c'est les anciens de Porn, en fait, qui est un groupe français. Ah, voilà. Excellent choix, mon petit Scream. Bravo. Voilà. Juste avant de passer la deuxième chanson, je répète la question parce qu'on n'a pas bien entendu. Donc, quel est le titre de l'ouvrage de Jacques de Pierrepont ? Donc, le titre de l'ouvrage de Jacques de Pierrepont, vous répondez sur Facebook ou sur le mail. Donc, rivedenfer.rqc@gmail.com. J'aime bien de prendre tout le monde de court. Vous allez y arriver. Hein. J'adore ça. Et les deux premiers, vous allez rencontrer. Rien, excuse-moi. Titre et sous-titre ou rien que le titre? Bah, allez, tu préfères quoi, le titre ou le sous-titre? On peut faire les deux. Hein. Ah non, c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion dans la tête des auditeurs. Quoi. Allez, on peut faire le plus facile. Le plus facile. Le titre. Le titre, allez, le titre, c'est facile. Allez, on va s'écouter Sabbath Assembly avec Twilight of God, et on se retrouve tout de suite après pour les questions, parce que je crois que les cerveaux ils fument là. Dear God, love you then and Voilà, donc juste à l'instant, c'était Saba Assembly avec Twilight of God, nouveauté. Bien. Bien, moi ce que je reproche un peu avec ça, c'est un morceau très court, hein. Il dure 5 minutes 50. Sinon, t'as des morceaux qui partent en cacahuète en 8-10 minutes. Je trouve que des fois, c'est un peu dur pour plager en émission de 2 heures. Tu fais une émission avec 10 morceaux et puis c'est fini quoi. Mais arrête de te plaindre, allez, la musique c'est bien, en plus l'antenne est libre. Oh, c'est pas possible. Donc, boss, tu me donnes 2 heures de plus? Non, du tout. Pas du tout. Voilà, donc on continue un peu. Donc, d'abord, je tiens à féliciter nos deux gagnants. Donc, déjà, de Chantilly. Hein, Alors, je te laisse annoncer notre gagnant de Chantilly. Ah, je suppose que c'est Yannick. Non, c'est... Agnès. Ah. Voilà, qui a remporté. J'étais pas loin. Hein. Et un animateur liégeois, que tu as peut-être dû connaître aussi, qui s'appelle Painkiller, qui écoute aussi et qui te passe son bonjour. Painkiller, il est animateur où ? Il a travaillé sur Radio... sur une radio italienne à Montenier, je saurais plus dire, mais il va me le marquer, parce que le connaissant, il va me le marquer. Et il te remet son bonjour et il te dit grand monsieur, respect à toi. Ah bah voilà. Voilà, donc la question était tout simple. J'en reste muet. la question était simple, hein. Le nom de l'ouvrage, donc c'était tout simplement de Black Sabbath au Hellfest, et c'était... Heavy Metal. Le heavy metal, tout simplement. Félicitations à vous, donc vous avez remporté ces deux. L'ouvrage qui est vraiment super sympathique. Alors, Sylvain, une petite question à Pompon, peut-être Une petite question. je vais poser une petite question. T'en as une en poche. J'en ai une dans mon stock. Attends, je laisse finir sa petite écriture, là. Voilà. Le heavy metal, donc on va quand même rappeler que ça sort aux éditions Le Lombard. Oui. C'est dans une collection qui s'appelle La Petite BDTech des Savoirs. Et Pompon qui côtoie dans cette BDTech des Savoirs des gens comme Hubert Reeves, par exemple, si on veut un petit peu... s'envoler et apprendre des choses. Une anecdote avec Hubert Reeves. Ah, tu l'as rencontré? Il était comme le lancement de la collection, c'était à la foire du livre de Bruxelles fin mars l'année passée. Donc Hubert Reeves était là. Oui, j'aurais bien aimé avoir un papa comme ça, moi. À un certain moment, ça se balade sur Internet, d'ailleurs, quelqu'un l'a pris en photo, il était absorbé dans la lecture du heavy metal. Là, j'étais un peu surpris, et puis il était sur la page Iron Maiden, et puis il a dit qu'il était un grand fan de Iron Maiden depuis 1980, depuis le début, et il est toujours fan de Iron Maiden. Alors là... Voilà. On s'y attend pas comme ça, a priori. Ben, hein. Ben oui, voilà. Et donc, cette photo se balade sur l'Internet. Il est... Donc, Hubert Reeves qui est plongé dans le petit bouquin. Je trouve ça... je suis hyper honoré. Ah ben, c'est fantastique. La Petite BDTech des Savoirs aux éditions de Lombard. Et j'ai dit Hubert Reeves. Il y a François de Smet aussi, qui est un philosophe qui, généralement, apporte une parole plutôt sensée. Sur les droits de l'homme, voilà. C'est ça. Il y a... tous les... Un peu comme en musique, tous les genres finalement vont se retrouver dans cette petite BDTech des savoirs. Toutes les idées, les obédiences, les envies, c'est plus sympa, quoi, dans la même collection. Parce qu'on peut démarrer la collection finalement. Oui, ben là il y en a déjà 4, 8, 12... 14 ou 16, enfin voilà. Donc, les deux suivants, ils vont un peu ralentir. C'est deux par mois, c'est ça? C'était par salve de 4 tous les trimestres. Ouh là là, maintenant, ce sera par 2. Maintenant que la collection est bien lancée. Voilà. À suivre donc, la petite BDTech des Savoirs. Oh là, il fallait le dire. Les auditions de Lombard, et c'est bien, c'est illustré. Puis c'est des gens sensés qui ont pris la plume. Donc. On va lire, ça va faire du bien. Voilà, donc Painkiller a répondu, je t'avais dit qu'il allait répondre, Radio Prima, Equinox et Radio Sartillement. Equinox, voilà. Donc on fait un petit coucou à nos animateurs métalleux d'Equinox aussi, qu'on connaît très bien, qu'on croise souvent dans les concerts. Alors, Sylvain, la question... Oui, même petite question que j'ai en poche. De ta poche, hop là. Mais je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses un petit peu du glam? Justement. Ah. J'ai eu à ce sujet une longue conversation avec un bonhomme passionnant, le chanteur de Twisted Sister. Ah oui. qui est Dee Snider, qui est génial. Mm. Voilà. Lui, c'est un peu à Alice Cooper. Il est blindé d'humour au second degré. Bon, et j'adore Twisted Sister. Pourquoi? Ben parce que justement, c'est plein de second degré. Ils n'hésitent pas à aller tellement dans l'énorme, H-E-N-A-U-R-M-E, hein, l'énorme, que ben voilà, il y a que le ridicule qui tue pas, quoi. Et s'en fout, dirait. Donc ils ont... We wanna rock, c'est tellement cliché, faut oser quand même, quoi. Ben, ok, ils osent à fond les manettes. Et donc, effectivement, Twisted Sister... En fait, quand le glam commence à se prendre au sérieux et donc n'a pas d'humour, là, ça devient vite sinistre. Mais je trouve que les gens ne comprennent pas bien l'humour du glam aussi. Mais, on est souvent mais quand il y a de l'humour, c'est géant. Bon, ou de la vraie provoque, parce que Mötley Crüe, c'est des provocateurs. Ils ont eu plein d'ennuis de censure aux sphères chrétiennes intégristes américaines, où ils sont vraiment perçus comme des créatures diaboliques. Ah ouais, Satan. Encore pire que des communistes, quoi. Et donc, bon, voilà. Ça a du sens, voilà. Et si en plus la musique est chouette, ce qui est clairement le cas de Mötley Crüe, et si en plus ils assument clairement leur racine punk, en reprenant notamment les Sex Pistols, ok, je suis content. Mais quand on arrive, tous les groupes, c'est pas mal, il y a un ou deux singles intéressants, mais tous les groupes comme Poison, Cinderella, etc., etc. Alors là, on rentre déjà, je pense que c'est le sous-genre du heavy metal qui est le plus vite rentré en décadence. Peut-être parce qu'ils étaient dans l'affiliation du rock décadent d'ailleurs, mais décadence au sens pas artistique du terme, au sens négatif du terme. Très vite c'est les paillettes, c'est les grosses attitudes macho, c'est vraiment devenu... Il y a plein de groupes de seconde division qui se sont lancés dans des imitations et en fait qui oubliaient la musique, il n'y avait plus que les costumes à paillettes et les coiffures oxygénées, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Que chez Twisted Sister, il y a quand même la musique est quand même toujours là, quoi. D'ailleurs, c'est des morceaux marquants qui ça envoyait la purée, je les ai vus. Ça fonctionne toujours, hein. Même enfin à l'écoute comme ça, j'écoute bien rarement ce genre de truc, mais ils sont drôles, voilà. Ouais, c'est fun. C'est fun à mort. Moi, personnellement, je trouve qu'ils sont beaucoup plus drôles que Kiss. Bon, j'ai pas vu Kiss à l'époque, dans les années 80, j'avoue, je suis passé à côté. Mais le Twisted Sister est plus drôle que le Kiss d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Et justement... Mais le Kiss d'aujourd'hui, c'est une grosse machinerie. Ouais, c'est ça. C'est plus une machine à sous. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est ça, quoi. Pour faire plaisir aux slasheurs, que penses-tu de ces copains? Tu peux dire ce que tu penses. Et de nos copains, de nos amis, parce qu'on en est devenus des copains, des Steel Panther, justement. Ah, nos grands amis. Tous. Ben, je les connais mal. Voilà. Voilà. Mais je vais les présenter cette année. Si on se croise au Hellfest, on te les présentera. Mais musicalement parlant, j'aime bien, oui. Mais c'est bien. Parce que musicalement, c'est ça que j'aime bien, c'est envie d'entendre. Bon, nous, on sait bien leur côté décadent parce que c'est très sexe, drugs, rock'n'roll. Ils sont restés dans la même époque qu'on se souvient de Shotgun Messiah, leur premier album qui était extraordinaire avec le fameux titre Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Mais justement, il reste aussi dans les faits, je trouve David Lee Roth. David Lee Roth, c'est tout ça, vraiment déconnant. Les clips, quoi. Et tout ça. Déconnant, se prend pas la même tête. Même David Lee Roth à l'époque de Van Halen, tout ça, hein, ouais. Just Gigolo. Ouais. Et alors, dans le genre Barnum, mais qui fait exploser tous les codes, il y avait Gwar. Ah oui. Là c'est le glam poussé dans les extrêmes gore. Glam gore, ouais. Et eux aussi étaient devenus des cibles des télévangélistes américains parce que c'est ce genre de groupe de pourri notre jeunesse, leur donne des sales idées, ils vont aller se masturber tous les jours. Tu penses bien qu'ils n'ont pas aimé Manson après. Forcément, quoi. mais c'est vrai, on rejoint un peu, on a eu l'occasion. Manson n'a pas d'humour. Enfin, en tout cas, je crois qu'il a beaucoup d'humour. On le voit dans l'interview qu'il donne dans le film de Michael Moore. Oui, mais attends. Oui, mais alors, c'est Michael Moore. Mais sur scène, il... enfin voilà. Mais c'est il... un truc sérieux sur scène qui arrive. Voilà. Enfin voilà, c'est. C'est Michael Moore qui l'interview aussi. Hein. Donc il doit faire une bonne presse parce que bon, oh, non, je crois un film sort de Michael Moore et il sait bien qu'il va le regarder par des millions. Tu rencontres, tu vois Marilyn Manson. On prend même l'exemple de, même si j'adore sa musique, j'adore ce compositeur qui Blackie, mm. l'Ouest de oui. Wasp. C'est un mec qui compose monstrueux, mais le mec. No picture, please. Ouais, ne m'approchez bon. Pas, ni rien. Mais Manson, moi, je trouve que... Enfin, j'ose imaginer que ce garçon a quand même un certain décalage par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il est, parce qu'il me paraît quand même être un gars intelligent. Il est intelligent, mais quand il pousse l'extrême un peu. Il prend les gens un peu... et ça, je parle parce qu'il est, il est venu à l'Alcatraz, ici, il y a trois ans, oui. Oui, et au Hellfest 2015. Et au Hellfest 2015... à l'Alcatraz, il s'est fait conduire, tu vois, pour 50 mètres, il a voulu une limousine. Beyoncé. Un garde du corps avec une salle chauffée à 17 degrés aidé. Il a voulu des sushis qui venaient d'Anvers, mais pas d'autre part. Donc tu vois, ouais, mais tant que ça marche, ils font. Hein. Oui, mais ça, il faut comprendre ça. Tant que ça marche, les mecs, ils ouais, font. Oui, mais c'est malheureux. C'est l'histoire des M&M's bleus dans je sais plus quel film, là, avec Mike Myers. C'est la même chose. Mais tant que tu restes sur des trucs ridicules, si ça marche et le mec dit oui, je suis à tes genoux, je le fais, bah voilà. Mais par contre, je voudrais bien, moi, rencontrer Manson pour lui poser la question, justement, avec quand il a enregistré son premier album avec Trent Reznor, pourquoi avoir enregistré dans la pièce où Sharon a été assassiné. Pourquoi avoir voulu enregistrer vraiment cet album-là? Qu'est-ce qu'il y avait que tu voulais absolument? C'est marketing. Je ne sais pas si c'est marketing. Reznor a enregistré un album formidable qui s'appelle The North Spiral 2 ans avant, je pense. Et voilà, c'était juste pour un peu surfer sur le machin. Et c'est une nouvelle boîte qui démarre à l'époque qui s'appelle Interscope. Ils doivent faire un petit peu de buzz. Et non, Manson, je pense que c'est comme Jacques disait tout à l'heure, c'est l'époque Cake and Sodomy. On sent bien dans l'influence et dans... Il y a le côté provocation. Ouais. Il y a Reznor derrière parce que c'est clairement Nine Inch Nails qui dit pas son nom. Mais voilà, et c'est mais, super direct, quoi. Mais Wasp, les premiers disques de Wasp, puisque tu parlais de Blackie Lawless, qui est venu à Rock and Roll à l'époque, avec qui le contact était sympa. J'imagine qu'on l'a eu dans un bonjour. À mon avis, tu l'as eu dans un bonjour. Ou une salle bien chauffée. Enfin, moi, j'adorais, parce que j'adorais, au-delà de la musique, parce que je dis, ça y est, les amateurs de bondieuserie vont encore s'en prendre plein à la tronche, et ça fait plaisir. Voilà, c'est le côté presque potache de c'est comme la chanson Les Bourgeois de Brel, quoi. Mm-hmm. Voilà, et je vais pisser sur ta façade, et bon, ben c'est ça, Wasp. Ouais. Rien que le nom du groupe, Wasp, White Anglo-Saxon Protestant, c'est comme foutage de gueule, fallait oser. Fallait oser, ouais. Mais je veux dire, à mon avis aussi, nous on n'est peut-être pas tombés dans un bon jour, comme tu dis, mais aussi, ces gens-là, ils prennent de la bouteille, il faut dire, bon, ils ont plus 20 ans de carrière, ils ont plus 20 ans, et on a vu aussi des gens modifiés physiquement, et ils ont peur de leur physique. Bah ouais, moi, on se demandait si, malheureusement, Blackie n'était pas piqué à la cortisone. Hein, la fois où on l'a vu, ouais, il était hyper gonflé. Il était hyper gonflé, bourru, quoi. Bouffi, comme tu veux. On va s'écouter une page musicale et on va prendre l'Acide Valsin cette fois-ci, parce que tu vois, donc chacun a son petit, sa petite musique. Hein. Et alors, Sylvain, tu nous as choisi quoi? Ben, j'ai choisi un truc bien glam, hein, pour mon plaisir. Ça, donc, je fais une club, du coup. Le style panthère. C'est l'heure de la club. Voilà. T'es pas gentil, toi. Non, je sais. Attends, il y a mes copains hyper gainés qui t'attendent avec un Mais quelque part, on devrait, ça n'a peut-être pas encore été assez fait, mais j'y pense maintenant, établir un rapport très clair au niveau artistique et esthétique entre le glam metal et la tradition de ce qu'on appelle maintenant le néo-burlesque, au niveau chant théâtral... Et voilà, donc ce côté paillette exagéré, super fardé, qui est un jeu, quelque part. Tout à fait. Voilà. C'est vrai. Alors, j'ai choisi le titre Now the Fun Starts. Voilà. Now the Fun Starts, donc des Steel Panther. Des Steel Panther. Voilà, on va s'écouter ta Sylvain Zone. Whoa! She's beautiful! Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. Voilà, donc Sylval, c'était... Alors, c'était les Steel Panthers. On est sauvés. Elle est sauvée. Avec la chose de Fun Start. Non, alors, franchement, je suis méchant, je sais. Oh, bah, c'est sympa. C'est pas vraiment sympa. glam... Enfin, en fait, oui, ils sont glam metal dans les looks, dans la pochette des disques et tout. Mais au niveau musical, c'est plus, on va dire, hard rock. Mm-hmm. Voilà. Skid Row, un peu. Ouais, oui, voilà, moi je trouve un peu ce qu'il voilà, Rachel Bolan, là j'entendais derrière un peu. De groupes comme ça, quoi. Ils sont pas dans du air metal caricatural. Quoi. Ouais, voilà. Tant mieux. Jacques, j'ai envie de te poser des questions. T'as, à mon avis, moi j'ai déjà vu pas mal de concerts. Sylval aussi, Rico aussi, Slasher. Il en a déjà vu pas mal. Il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais non plus. Le concert pour toi que tu aurais aimé voir absolument, ou le festival que tu n'as pas eu l'occasion de voir et que tu ne verras jamais plus. Là, moi, je prends l'exemple, pour moi, c'était, j'aurais aimé être à Woodstock. Pas pour les pétouses, mais pour oui. Voir la richesse qu'il y avait sur scène à cette époque-là. Et les filles. Oh, et les filles. Bon, quoique maintenant, t'en vois beaucoup aussi dans les festoches à moitié nues. Hein. Oui. C'est difficile à... Ouf. Je ne sais pas répondre à cette question-là. Il y a un concert que j'ai regretté pendant des années de ne pas avoir vu, c'était les Stones à Forêt Nationale, Bruxelles en 73. Voilà. Puisqu'on parle des concerts... J'ai loupé la meilleure période. Quoi. La meilleure période. Puisqu'on parle des concerts, rien à voir avec le métal, hein, désolé, je vais ouvrir une parenthèse. Suicide qui vient jouer, je pense que c'est au milieu des années 70, là, qui ont joué une vingtaine de minutes, ça a même été repris, je pense, sur un disque. Là. T'as suivi un peu ça, t'y étais ou pas ou... À l'époque, non. Parce que je pense que c'est un gars de la RTBF qui présente même le concert à l'époque. On entend. C'est Gilles Verlan ou Ouais, je bloque aussi, mais. Je sais pas. C'est vrai que ce concert, il y a eu une réédition du premier album de. Avec le concert Suicide, derrière. Ouais. Avec en disque bonus ce mini-concert bruxellois. Ouais, ça dure 20 minutes. Hein. Oui. Mais à l'époque, j'étais pas trop orienté. J'étais un peu partout sans être nulle part. Tu vois, donc j'étais plus branché sur des trucs comme Higelin, Nico à la cathédrale Sainte-Gudule à Bruxelles, Klaus Schulz, le krautrock allemand et des choses comme ça. J'étais pas trop punk, en fait, à l'époque. Hein, bon. Parce que peut-être parce que simplement j'avais des cheveux longs et qu'effectivement j'avais fait 2-3 essais de concerts punk et bon, ils étaient quand même assez sectaires. Et c'est quoi ce hippie qui c'est quoi ce hippie dégage, connard. Enfin, tu étais plutôt bon, New Age alors avec Klaus Schulz, Tangerine Dream et des choses comme ça quoi. Non, pas New Age, enfin Baba Cool à l'ancienne. Baba en Cool, fait. Peace, ouais, voilà, peace quoi. And Love quoi. Voilà, ouais. Oui. Enfin, Peace and Love, j'adore MC5, Steppenwolf. Peace and Love, mais viens pas me faire chier. Quoi. On va dire à l'époque Manflower, mais... Plutôt Love. Non, mais c'est, si on prend voilà, la chanson Le Déserteur de Boris Vian, ouais. Pas écrite par Boris Vian, la plupart des versions, c'est dites aux gendarmes que je sais plus, que je me laisserai faire. Voilà. Bon, la version initiale de Boris Vian, c'est dites aux gendarmes qui viendront me chercher que je sais tirer. Donc je veux pas faire la guerre, mais si on m'emmerde, je sais tirer. Voilà, d'accord. Bon. À mon avis, ils ont changé. Évidemment, bon, c'était trop, trop contestataire, et donc du coup, toutes les versions postérieures, les plus connues, Mouloudji et consorts, ce verre-là a sauté, a été remplacé par quelque chose de plus consensuel. Voilà, bon. Ouais, plus poétique et que ça passe mieux. Mais, la bande dessinée, pour en revenir, donc le heavy metal qui sort bien aux éditions du Lombard, Jacques de Pierrepont et Hervé Bourris pour les illustrations, et c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est bien, un super beau objet. C'est petit, mais c'est précieux. On n'en a pas assez, je peux te le garantir. C'est précieux. La bande dessinée, c'est quelque chose de très important pour toi Depuis que je suis gamin, oui. Oui. Ah, et t'as encore l'occasion d'en parler, notamment sur la RTBF, hein, voilà. J'ai encore de temps en temps des petites chroniques. Ça va encore rester là parce qu'il y a la nouvelle première qui arrive. Non. Non. Je m'en doutais en plus. Non. Jérôme y prend l'après-midi. On m'entendra encore de temps en temps, mais plus en ce qui concerne la BD, pour une raison très simple que. Moi, je viens d'une époque où j'étais le seul chroniqueur BD sur toute la RTB. À l'époque, c'était mal vu. C'était même hautement déconseillé parce que c'est pas des sujets, c'est pas de la culture sérieuse, n'est-ce pas ? Voilà. Bon. Et puis maintenant, il y en a partout, à chaque bout de couloir, sur chaque chaîne. Voilà, ça a moins de pertinence. Je pense aussi que j'ai fait le tour, donc je ferai peut-être encore des choses, enfin sûrement, notamment avec Jérôme Collin, ouais. mais pas sur la BD. Mais c'est vrai que la BD, oui, j'ai grandi avec la marque jaune de Jacobs. Mais en même temps, la mauvaise tête de Franquin, Spirou Fantasio. Parce qu'à l'époque, il y avait. Est-ce que tu étais plutôt Tintin, enfin, journal Tintin ou journal de Spirou? Ouais, c'est ça. Hein. Et donc, est-ce que tu es voilà, plutôt Tintin ou Spirou? Quelques années après, est-ce que tu es plutôt Beatles ou plutôt Rolling Stones? Il y a toujours eu des débats comme ça. Ouais. Et tu dois absolument choisir. Et moi, je ne pouvais pas choisir. Puisque, bon. Maintenant, en grandissant, je préfère quand même effectivement l'esprit. Foldingue, wallon, un peu libertaire de Spirou, voilà, parce qu'un Spirou, on sait bien ce que c'est, quoi. Ouais. Hein, bon, c'est un gosse vivace, un peu rebelle. Ouais. Bon, et le journal Tintin, c'est quand même plus la bourgeoisie bruxelloise, un peu coincée. D'ailleurs, la ligne claire, voilà, il y a, ça virevolte pas. Hein. C'est quand même assez figé tout ça. L'école Jacques Martin, Hergé et compagnie. Et c'est vrai que en vieillissant, je préfère définitivement plus. Enfin, je me sens plus heureux avec les Franquins, les Tillieu, et même les Robas, ouais. Les Payot et compagnie. C'est plus sympa. Voilà. Et alors. Une de tes passions, ça a été, ou c'est encore, j'en sais rien, mais le chemin de fer. Et c'est ça, lui. Et puis, c'est un passionné. Et puis, là, info pour les auditeurs, hein, ceux qui suivent sur Internet, etc., ou bien rqc.be, Jacques de Perpon, Pompon a accompagné un groupe de jeunes il y a quelques mois de ça. Presque 2 ans maintenant. Déjà. Ah oui, un an et demi. À Auschwitz. Oui, le train des mille. Voilà. Est-ce que tu peux un peu relater un peu cette expérience? Donc strictement rien à voir avec le métal et tout. Chemin de fer, fer métal, hein, donc c'est ça à voir. Ouais. On est d'accord. Non, mais c'est bien aussi, c'est parce que c'est bien qu'on en parle aussi, parce que justement, qu'on arrête aussi, on en reparlait tout à l'heure, l'amalgame, les métalleux, c'est des nazis, tout ça, donc c'est bien. C'est voilà. Des crachats. Non. Oh, c'est rien bien. À voir. Voilà, c'est autre chose. C'est vraiment du bullshit de penser, c'est de la connerie, quoi. Oui, c'est pas vrai. Du tout. Pure et dure. C'est pas vrai du tout. On trouve de tout dans le métal. Il y a, effectivement, oui, il y a. Il y en a. En Allemagne, en Pologne, en Hongrie, il y a une mouvance métal underground néo-nazi qui pue. Il y a aussi dans les pays arabo-musulmans, des métalleux qui se battent pour avoir le droit de dire qu'ils sont sans religion, par exemple. Absolument. Et eux, ils prennent vraiment des risques, hein, ouais. Physiques. Et donc, le train des mille, c'est une expérience qui... C'était pas la première, mais c'est la première fois qu'on m'a convié à participer pour faire la radio du train, en fait. Wow. Avec des Flamands d'Anvers. Donc, c'était une radio bilingue, avec des haut-parleurs dans chaque wallon. Et oui, c'est une très très chouette expérience. Départ de Bruxelles, d'Anvers. Départ de Bruxelles, ouais. Premier arrêt au Luxembourg pour prendre des gens qui viennent du nord de la France et d'Alsace, et puis on file sur la Sarre, on traverse l'Autriche, la Tchéquie. C'est un train de 600 mètres de long, hein, donc c'est vraiment un train très très très très très long et qui va lentement, parce qu'évidemment il doit se mettre dans, je vais faire un peu de jargon ferroviaire, il doit être compatible avec les sillons, c'est-à-dire ouais. Le trafic normal. Donc on roule surtout de nuit. Oui, mais de nuit il y a le trafic marchandises aussi, bon. Donc il faut toujours s'intercaler, donc parfois on s'arrête pendant 2 heures, on sait pas trop pourquoi, mais c'est parce que il y a d'autres trains qui circulent sur la voie. Et puis avec 1000 jeunes qui viennent de Wallonie, de Flandre, mais aussi de France. C'est un truc scolaire avec leurs profs, donc ce sont des ados qui ont entre 15 et 17 ans, et c'est vrai que c'est ouf, c'est quelque chose, quoi. Auschwitz-Birkenau, ouais. Bon, pas tellement, comment dire, Auschwitz, il y a un côté muséal, et donc on a une distance, on a comme ça, voilà, ces grandes vitres, il suffit de prendre n'importe quel moteur de recherche, hein, on regarde Auschwitz, on voit bien à quoi ça ressemble, des grandes vitrines avec les souliers, les vêtements qui circulent derrière, c'est un côté musée, un peu froid. Par contre, quand on arrive à Birkenau, qui était la grande extension d'extermination du camp d'Auschwitz à quelques kilomètres de là, qui est énorme et qui a été conservé dans l'état où les Allemands l'ont laissé, c'est-à-dire que devant l'avancée des Russes, ils ont essayé d'effacer le maximum de traces des forfaits en faisant péter à coups de dynamite les chambres à gaz, par exemple, etc., les baraquements, mais il reste plein de traces. Là, on a l'impression de marcher dans l'histoire avec un grand H, et même il y a des prairies, je veux dire, on gratte un peu avec une bêche, bon, on n'a pas le droit de faire ça, mais certains guides qui nous accompagnent, qui sont des... il en reste encore quelques-uns vivants, des vieux juifs qui, eux, ils prennent une pelle et ils montent en dessous de l'herbe, il y a un mètre, deux mètres de poussière, de squelettes, quoi. Voilà. Et c'est énorme, Birkenau, c'est énorme. En été, c'est envahi de moustiques, donc l'hiver, ils crevaient de froid, ceux qui arrivaient à survivre. Là, on est vraiment... c'est difficile de trouver des mots, mais je suis content de l'avoir fait une fois. Et c'est vrai que l'ambiance dans le train au retour n'était pas celle de l'aller, quoi. À l'aller, c'est les ados qui disent « super, le prof il dort, passe-moi le joint ». Enfin bon. le retour était beaucoup plus grave, voilà. Ils avaient pris conscience, peut-être. Ah oui. Énormément, d'autant plus qu'à un certain moment, on a aussi chargé des jeunes Allemands. Hein. Donc voilà. Mm-hmm. Mais bon, les Polonais, les guides polonais, moi ça m'énervait un peu, parce que tous les 5 minutes, ils rappelaient bien qu'il y avait aussi plein de Polonais à Auschwitz. J'ai résisté à l'envie de leur dire que, oui, mais dites-vous, les guides polonais, là, est-ce que vous savez qu'en 1946, quand les Juifs sont revenus dans les bagages de l'armée rouge, il y a encore eu des pogroms contre les Juifs, parce que les Polonais ne voulaient pas que les Juifs reprennent leurs biens. Voilà, il y a encore eu des massacres de Juifs. Donc, les vilains nazis, d'accord, mais l'antisémitisme n'était pas l'apanage exclusif des nazis quand ils sont arrivés en 1941 en Ukraine. Ils n'ont pas dû demander 10 fois à la population ukrainienne de les aider à repérer et à massacrer les Juifs. Hein. Au contraire, ils étaient quasiment accueillis, les SS, comme des libérateurs. Ils étaient un peu cons, évidemment, parce que le but de SS, une fois que les Juifs sont supprimés, on commence à supprimer les Ukrainiens qui nous ont aidés à supprimer les Juifs. Enfin, bon. Mm-hmm. Bon, je fais du gros raccourci historique, c'est presque caricatural, mais c'est ça l'histoire. Donc, quand même, j'ai l'impression qu'en Pologne, il y a toujours une gêne c'est pas nous, c'est les autres, c'est... Bon, il y avait quand même des habitants autour de tous ces camps. Ouais. Et ceux-là, ils ne mouffetaient pas. Bon, évidemment, ils ne sont pas suicidaires non plus. Donc je comprends qu'on ne mouffetait pas. Mais, au mieux, une complicité passive. En fait, on s'en foutait, quoi. Voilà. C'est que des Juifs, ou c'est des communistes, ouais. ou c'est des gitans, ou c'est des Roms, ou c'est des homosexuels. Ou c'est des gens pas comme nous, quoi. Voilà, c'est genre bon débarras. Bon. Mmh. Et c'est vrai que c'est jamais loin. Mais pour revenir au heavy metal, j'ai vraiment très rarement, au contraire, justement, dans le heavy metal, moi, je trouve qu'il y a une cohabitation, une empathie naturelle entre gens différents. Quand on voit les looks pas possibles qui peuvent se croiser sans se taper dessus, il y a un respect mutuel entre musiciens aussi. Il y a énormément de respect. Et ce qui est rare en musique, c'est qu'on respecte les anciens. Ouais. Pop music, on prend les jeunes groupes anglais arrogants des années 90, on dit, mais c'est quand même vachement Beatles ce que vous avez fait. Ils sont prêts à vous sauter à la gorge et vous répondre. Ouais, mais bon, c'est pendant ce temps-là, De Folie continue à sortir des disques. Hein. C'est pas grave. Ouais, mais ils sont géniaux. Mais donc, ils vous répondent avec aplomb, les Beatles, enfin à la Oasis, quoi. Les Beatles ne connaissent pas. À la Oasis. Tandis que dans le métal, souvent, les groupes, même très connus, ils sont sur scène et ils arborent les t-shirts des autres groupes. C'est vrai. Donc c'est les jeunes groupes vont arborer les t-shirts des grands anciens en disant ce sont mes pères spirituels. Et les grands anciens, ils vont arborer les t-shirts de jeunes groupes dont l'âge moyen ça pourrait être leurs enfants, mais ils disaient oui mais hey, ceux-là c'est le futur, on les aime bien, on les défend, on porte le t-shirt, c'est une façon de dire que... Oui, il y a un côté quand même grande famille, ça a l'air un peu naïf, idéaliste de dire ça, mais c'est vrai. Ben, c'est une appartenance voilà. Finalement à un courant. Quoi. Voilà. C'est ça que j'ai essayé de montrer dans le bouquin aussi, c'est qu'au-delà de tous les looks improbables, divers et variés, il y a une conscience de communauté, mais qui n'est pas une communauté fermée contre. Voilà, c'est une communauté inclusive. T'aimes le métal, ok, welcome, d'où que tu viennes, voilà. En tout cas, en Europe, je ne sais pas si... c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est quand même différent. Dans les concerts de rap, il y a des blancs qui vont peut-être pas se risquer parce qu'ils ont peur de se faire taper dessus par les blacks. Et vice-versa, il y a des blacks absolument. Qui n'osent pas rentrer dans des concerts de métal parce qu'il y a que des blancs. Mais bon, on n'est pas aux États-Unis. Quoique, il faut quand même rappeler qu'il y avait un heavy metal black, Living Color, comme, Living Color évidemment, Living Color, Ice-T, Body Count donc, ouais, Body Count, Bad Brains, au niveau hardcore les Bad Brains, voilà il y en a quand même quelques uns quoi. Ouais, donc. Et puis si on remonte au vieux hard rock des années 70, Thin Lizzy. Monsieur Phil Lynott, tout à fait blanc. Hein, notre Irlandais. Oui. Phil Lynott, parti beaucoup trop tôt aussi, comme beaucoup de musicos, hein, bien entendu. Eh mais t'as dépassé l'heure en plus. Ouais, mais bon, j'ai pas trop avec moi. J'en profite. Mais bon, voilà, excusez-moi d'avoir un peu. Non, du tout. Mais vous m'avez posé la question. Oui, mais c'était. C'est difficile. Mais c'est vrai que je suis revenu de là-bas profondément. Ému, d'ailleurs, voilà, j'ai toujours le triangle rouge, hein, depuis le triangle rouge qui était, puisque chaque catégorie de prisonniers avait son triangle, et parfois t'en avais deux, donc t'avais le triangle juif, mais si t'étais juif et communiste, t'avais le triangle juif, jaune, et le triangle rouge. Donc le triangle rouge, c'était, enfin, pas que les communistes, c'était tous les résistants, voilà, donc les syndicalistes, les, etc., quoi. Et ça reste c'est un petit emblème discret. Bon, voilà. Je trouvais que c'était important que tu puisses. Alors, il savait pas forcément. Je t'ai pas préparé à l'avance. Mais non, mais on ne prépare jamais rien. Mais je trouvais que c'était important que tu puisses en témoigner parce que voilà, on parle de musique, on parle de divertissement parce que ça reste du divertissement. Mais malgré tout, voilà, quand il y a des moments comme ça particuliers dans une vie, c'est important d'être relancé aussi à l'antenne et de faire partager. Donc merci pour le partage. Mais il y a autre chose. Hein, c'est pas bon. C'est par exemple, on prend Lemmy avec qui collectionne certains objets guerriers. Ça en faisait pas un militariste simplement. Il a dit une fois, mais objectivement parlant, au niveau des looks. Les officiers de la Wehrmacht, ça a quand même une autre gueule que les costumes ridicules des officiers anglais. Voilà. Mais ça en fait pas un nazi. Tout à fait. Il n'y a aucun rapport. Bon, Sabaton, prenons le donc, mon ami Joachim. Ok, mais toutes les chansons du groupe parlent de quoi? De faits d'armes guerriers. Souvent pour des mondes. Pour justement mettre en avant l'héroïsme du troufion ordinaire qui va sauver ses camarades, voilà. Pas qu'il va sauter ses camarades. Non. Ça c'est autre chose, ça. C'est de la version cage au folle. Est-ce que ça fait de Sabaton un groupe nationaliste militariste? Je crois pas. Non. Voilà. On peut comparer maintenant aussi les anciens membres de Sabaton qui sont Civil War, qui vont jouer d'ailleurs, on en profite, de dimanche ici au De Crène. Ouais, De Crène. Donc voilà. Walt Weston. Donc c'est, ce que, c'est ça que. Et c'est bien que tu en as parlé de. Parce que moi je ne savais pas, donc j'aurais appris ça de Pompon. Mais je veux dire, c'est vrai aussi parce que des fois on entend, et on en a même eu la preuve ici, une dame qui ne connaissait pas du tout l'émission, qui a découvert l'émission, comme c'est filmé, je sais que t'aimes pas, elle a dit j'imaginais pas que des métalleux pouvaient être habillés en blanc, on imaginait des monts de bière. voilà. Moi, ce qui me tue, c'est qu'on est en 2017 et que ces idées-là traînent tout le temps. Voilà, et c'est pour ça que c'est vraiment bien à remarquer. Je prends l'exemple, on n'en a pas parlé parce qu'on pourrait parler toute la nuit. Aaron Head, monsieur Ronnie James Dio qui commence à écrire une chanson pour la famine dans le monde et tout ça, si on s'en souvient bien, avec Malmsteen, les membres de Def Leppard, Neil Sean et tout ça, qui ont écrit une chanson pour ramener du fric pour la famine dans le monde. Et tout ça, il faut penser à tout ça. Les métalleux ont un grand cœur. Les métalleux ont un cœur, quoi, bordel. Ça, tu en es la preuve vivante. Voilà. Black Sabbath, le heavy metal, Jacques de Pierrepont. Ouais, j'active un peu quand même, tu vois. Hervé Bourris, ça sort dans la collection La Petite BD Tech des Savoirs. Il y a plein de savoirs en plus. Donc ça va vous faire du bien, ça va vous instruire. Aux éditions du Lombard, excellent bouquin. J'ai pas lu, hein. Là c'est vraiment gratos, mais je suis sûr que c'est excellent. J'ai feuilleté maintenant. Et la collection, en tout cas, elle est vraiment intéressante, évidemment. Voilà. Et là, il y en a à découvrir. Et là, il y en a un qui nous dit sans oublier monsieur Jimi Hendrix. Voilà. Ah ouais, ouais. Grand monsieur, hein, au cœur aussi. Mais vous n'avez pas l'histoire de. Et qui a fait aussi de. Il faudra revenir qu'il fasse histoire de rock alors. qui a fait avec Lemmy, hein. Ah ouais, avec Lemmy. Voilà. Rudy. Ouais, bah nous, on remercie Jacques d'être passé, d'avoir pris du temps à venir nous donner de son temps et de sa richesse. On a appris des choses, pas encore à apprendre plein. On espère le revoir bientôt, mais ça, c'est autre chose. Hein. Mais je ne vais pas casser les pieds maintenant à mon boss, parce qu'il va me tuer. Voilà, j'espère, Jacques, que ça t'a fait plaisir d'être parmi nous dans Rive d'Enfer. Ah bah oui. Voilà. Non, mais j'aime bien. Je vais prendre un abonnement à RQC. Voilà. On t'enverra le podcast si tu le désires. Et on va peut-être se retrouver, nous, dans un mois, hein, au Hellfest. On va faire tout ce possible pour se retrouver pour parler de ce fameux bouquin qui est vraiment superbe et qui a sa place d'être là pour donner à Ben Barbeau en disant. Tu vois, même la Belgique, elle n'oublie pas le festival qui, pour moi, est un grand festival. Et comme tu dis, là, il n'y a pas d'étiquette musicale. Tu peux aller voir un groupe qui joue du prog, tu peux avoir un groupe qui fait du hardcore, du metalcore. Il n'y a pas tout ça. Mais en fait, les sectaires, ils sont à l'extérieur. Voilà. Ouais, tu les vois d'ailleurs face avec la croix. Ce sont les intégristes. Voilà, tout à fait. Voilà, Sens Commun, compagnie. Voilà, c'est de quoi ont-ils peur, mon Dieu. Et en plus de ça, il y a un groupe qui est là, qui est cher à toi. Il y aura les Blue Oyster Cult qui jouent. Il joue le dimanche et ça, moi aussi, je voulais voir ça. Blue Oyster Cult qui a été fort catalogué satanisme avec le fameux point d'exclamation à l'envers, là, d'interrogation à l'envers, quoi. Si on se souvient. Et de pro nazi à cause de la chanson Messerschmitt. Oh là là là là, Mais ils sont là, donc moi, nous avec Sylvain et le slasher, parce que c'est son pote, elle, tonton Roger, hein, on va faire son possible pour qu'on se retrouve là-bas et faire la fête en même temps, quoi. Allez, bah, faites bien la fête. Je te remercie, Jacques, on te remercie. Oui, merci. Voilà. Et merci, Pompon. On va faire la photo, hein, ça c'est sûr. Hein. Photo souvenir. Ce photo merci souvenir, à vous de m'avoir accueilli. Voilà, et on va se quitter avec Treat, grande nouveauté, c'est nouveau, c'est tout frais, ça sort bientôt, avec Non-Stop Madness. Ciao les amis. Bye. Ciao.